us, baby. Yeah. Yeah. R&B. Check your body, baby. Move your ass and your feet. Ton fuselage est parfait, c'est parti pour le R&B. Que tu sois brune ou blonde, l'important c'est ton boule. Quelques rimes profondes et c'est parti pour la pêche au moule. Une petite voix de tapette sur un look de gangster. Pour que mouillent les fillettes et souvent aussi leur mère. C'est dingue, c'est affligeant de voir en haut des hits un truc aussi navrant que ce putain de R&B. Mais aussi celle de ma colère. Quand je scrute l'horizon de leur culture trop cheap qui montre les femmes comme des putes soumises à des gros cons pleins de pognon. C'est l'apologie du mal, entouré de sa clique, de putain idéal pour une putain de musique. Encore une fois je le dis, chiant sur énergie 12. Ces clips montrent la vie comme une énorme partouze. Peut-être ont-ils omis, et ça c'est dramatique, de penser à l'impact que peuvent avoir ces images. Sans finesse et sans tact, sur un trop jeune public qui prend comme vérité ce qu'il voit à son âge. Mais aussi celle de ma colère. Quand je scrute l'horizon de leur culture trop cheap qui montre les femmes comme des putes soumises à des gros cons pleins de pognon. Oui, moi j'aime les gros culs, les négresses qui se déhanchent. Mais moi j'ai du vécu pour garder la distance. Société libérale, soumise au dieu phallus. Retour à la morale, mais exhibition d'anus. Mais quelle hypocrisie, ça y est là je m'énerve. On veut des enfants chéris, mais jamais on ne les préserve. Je l'avoue, je m'offusque, moi qui ai des idées malsaines. C'est pas pour moi que je m'inquiète, mais juste pour mes petites graines. Semble vouloir des coups de bite et des cuves la taille de ma bite, mais aussi celle de ma colère. Quand je scrute